بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. Je vais tenter, inshallah, de lire un texte extrêmement intéressant concernant le statut de l'Iran par rapport à l'islam et par rapport au combat de la Oumma qui essaie de rétablir le Khilafa à la fin des temps pour enlever tout doute des cœurs des musulmans. Donc c'est un texte vraiment très intéressant qu'il faut partager un maximum. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, voici un excellent texte pour ceux qui croient encore que les chiites iraniens sont frères, à lire absolument et à partager sans modération. Une bombe atomique contre les chayatines. L'Afghanistan et l'Iran à la lumière des prophéties. Le prophète alayhi salatu salam a fait mention dans une de ses prophéties d'une armée de musulmans venant de l'Est, probablement de la région du Khorasan, que l'on connaît de nos jours sous le nom d'Afghanistan qui marchera vers l'Ouest, conquérant les cités sur son passage et demeurant invincible jusqu'à la prise de Jérusalem. Cette armée et son émir prêteront allégeance au Mehdi, alayhi salam. Cependant, sur le chemin de cette armée venue de l'Est se tiendra une puissante bête appelée Iran, d'où le prophète, alayhi salatu salam, a prévu que le Dajjal, l'antéchrist, surgirait, suivi de 70 000 juifs disparants. Ce que l'on peut avancer, c'est qu'il y aura une bataille majeure entre les forces de la Sunna provenant de l'Est et les Iraniens avec les 70 000 juifs qui se tiendront sur la route de Jérusalem. Il est notoirement connu que l'Iran fut un bastion de la Sunna à travers l'histoire de l'islam, depuis le prophète alayhi salatu salam. Le prophète alayhi salatu salam avait prédit que le savoir serait pris par le peuple de Salman al-Farisi, un Perse. Cela arriva dans les faits. Notre sunna fut consignée et préservée par les plus grands imams du hadith tels que l'imam Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Al-Tirmizi, l'imam Abu Daoud et d'autres encore. L'héritage se perpétua jusqu'à la tragique conquête de l'Iran au XVIe siècle par les hérétiques Azéris, appelés Safavides. Après leur conquête, l'Iran, qui était à 90% Safaïte, devint à 90% chiite. On dit que le Shah avait menacé de punir par la mort toute opposition à ses désirs en ce qui concerne la religion. Si quelqu'un pensait que c'était une menace en l'air, il en était bientôt dissuadé. Comme les Safavides marchant sur la Perse, le chiisme fut imposé par la pointe de l'épée. Les sunnites récalcitrants furent traités avec brutalité. Beaucoup furent exécutés. Mais de tels déserteurs et optimistes sunnites, ceux qui se soumirent, tout aussi utiles et essentiels qu'ils étaient, ne pouvaient fournir l'ossature théologique et juridique pour le nouvel établissement chiite. Personne en Perse n'aurait pu le faire. Le Shah Ismail dut chercher ailleurs. Beaucoup des principaux théologiens et juristes de la période Safavide étaient d'origine Amili, y compris la figure religieuse la plus influente de l'époque, d'Ismail Al-Karak. La fuite des sources intellectuelles de la Perse continua. Ce n'était pas un phénomène isolé. La population eut le choix entre la conversion au chiisme et la mort. Tous les savants furent tués et les hérétiques furent amenés au Liban pour créer une nouvelle espèce de chiisme connu seulement des fous des collines du Caucase et des Amilis du Liban. Depuis cet événement, l'Iran, qui était un centre de la civilisation islamique, devint un abîme d'obscurantisme et de ruines durant les 400 dernières années. L'Iran a été chiite que durant les 3 derniers siècles sur les 12 siècles d'histoire islamique. À cette période, les Safavides transférèrent leur capitale à Ispahan, le lieu d'où émergera le Dajjal. Les Safavides réussirent si bien à contrecarrer les incursions des Ottomans en Europe que les Autrichiens prièrent pour leur victoire dans les églises et que les diplomates de ce pays affirmèrent que, n'eût été le Shah, nous serions aujourd'hui en train de lire le Coran comme ils le font en Berbérie, Afrique du Nord. À cette époque, seul un peuple pouvait présenter une alternative à cet obscurantisme. C'était une petite bande de quelques milliers d'Afghans tribaux, en majorité des Pachtounes, qui écrasèrent les Safavides dans une série de batailles et qui marchèrent vers leur capitale, Ispahan, qu'ils prirent en 1722. Cette petite bande d'hommes tribaux sans entraînement formel pour la guerre ce que les Ottomans ne purent jamais réaliser, détruire l'empire safavide. Personne ne put défaire ces farouches guerriers tribaux, tout comme ils ne purent jamais se gouverner dans le cadre d'un État, héritage tribal. Ainsi, ils s'en retournèrent dans leur désormais indépendant Afghanistan, laissant le pays entre les mains des nadirs shahs et une succession d'éphémères dynasties se renversant les unes les autres, jusqu'à l'émergence des Pahlavis, desquels le shah d'Iran qui régna dans les années 70 tirait sa légitimité. En 1998, l'Iran protesta contre le meurtre de 10 de ses diplomates qui servaient en tant qu'espions en Afghanistan au profit de l'Alliance du Nord. Durant la chute de Mazar-i-Sharif, l'Iran aligna 200 000 soldats le long de la frontière pour venger le meurtre de ses diplomates. Les talibans envoyèrent 15 000 soldats à la frontière. Les Iraniens se retirèrent et abandonnèrent leur idée d'envahir l'Afghanistan. Ils affirmèrent qu'ils n'étaient là qu'en vue d'une parade militaire. Immédiatement après, un accord fut passé pour récupérer les corps des diplomates. L'Iran perdit grandement la face aux yeux du monde, et cela retentit comme un écho de la leçon d'histoire oubliée par l'Iran. Les Afghans sont leurs conquérants. Cette menace a entraîné un soutien international à l'Iran et a accru l'intérêt pour la Russie de faire de ce pays une puissance nucléaire dans la région. Les anciens ennemis se lièrent d'amitié avec l'Iran pour contrecarrer l'effet domino sur un axe qui s'achèverait aux confins de la mer Méditerranée. Cependant, une nouvelle menace apparut pour l'Iran, l'admiration croissante pour les talibans et leur style particulier de gouvernement apolitique. Récemment, cette admiration se manifesta durant la prière du vendredi. Les talibans que nous maudissons régulièrement sont parvenus à restaurer la sécurité pour leur peuple. Pourquoi nous ne pouvons-nous pas en faire de même? Déclara, je ne sais qui, un nom super compliqué, durant la prière du vendredi à Téhéran. La désapprobation du peuple iranien, de l'obscurantisme et du manque d'optimisme inhérent à la philosophie chiite, qui se focalise davantage sur le martyr de figure historique que sur la foi, l'a amené à opter pour le sécularisme du shah. Quand le régime du shah se mit à produire corruption et tyrannie par l'intermédiaire de la police secrète, les révolutionnaires iraniens commencèrent à se rassembler à travers les universités du pays. Ils promirent la loi islamique, la fin de la corruption, la restauration des traditions morales et culturelles. Les 20 années qui suivirent la dénommée révolution islamique dévoilèrent le mensonge. La prostitution et la drogue atteignirent des records historiques, surpassant les niveaux constatés durant le règne séculier du shah. Le rapport affirme qu'il y a 2 millions d'accros à la drogue, dont certains sont des enfants avec une consommation quotidienne de narcotiques évaluée à 5 tonnes pour la seule capitale de Téhéran. L'addiction à la drogue fait rage auprès des élèves. La prostitution a augmenté de 635% parmi les étudiants du supérieur et le taux de croissance des suicides a dépassé son record de 109%, affirme le même rapport. Monsieur Zam affirme que l'âge moyen des prostituées est passé de 27 à 20 ans au cours des 5 dernières années. Ce rapport a été commandé par Mohamed Ali Zam, le responsable des affaires artistiques et culturelles de Téhéran. Selon ce rapport, il y a 2 millions de dépendants à la drogue qui consomment 5 tonnes d'opium dans la seule ville de Téhéran. L'âge moyen des prostituées est descendu à 20 ans. Il y a 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. La dégénérescence sociale et l'inertie du régime ont amené les gouverneurs régionaux et les clergés avouer une admiration pour leurs voisins sunnites, les talibans. L'Afghanistan a eu des problèmes sociaux similaires durant les années de chaos qui suivirent l'expulsion des soviétiques sous le règne de Massoud, Rabbani et d'autres qui compose l'Alliance du Nord. Les 5 à 10% de territoire non contrôlés par les talibans. Pendant ces années de guerre sous la déchue Alliance du Nord, les filles afghanes étaient kidnappées sur le chemin de l'école et vendues aux riches seigneurs de guerre du Pakistan voisin. Les chefs de guerre, lorsqu'ils conquéraient un territoire, même brièvement, entraient dans les maisons à la recherche de jeunes filles, parfois impubères, destinées à devenir des esclaves sexuelles. L'Afghanistan était le premier producteur mondial d'opium avec 75% de la production mondiale. Les talibans ont éradiqué le crime. Ils ont mis fin à la production d'opium et reçurent même des éloges, timides et à contre-cœur de la part des États-Unis pour avoir éliminé 75% de la production mondiale de cette drogue. Durant ma récente visite à Médine, j'ai demandé à quelques Afghans qui avaient visité le pays comment était la situation en Afghanistan. Quand j'ai interrogé un commerçant ouzbek, il m'a répondu, il y a toujours des combattants. Je lui demandais ce qu'il pensait des talibans en tant que membre d'une ethnie minoritaire. Il me fit la remarque suivante. Ouzbek, Pachtoun, Tadjik, cela n'importe peu. Tout ce que je veux, c'est voir ma fille marcher d'un bout à l'autre de la rue sans crainte. Que je les aime ou pas, les talibans, cela n'a pas d'importance. J'ai interrogé un nomade de garde qui était Pachtoun, à la mosquée du prophète, à propos de ce qu'il pense de la situation en Afghanistan. Il me dit avec un grand enthousiasme, c'est très bien. Nous avons les talibans maintenant et nous nous sentons en sécurité. J'ai rencontré un chir dans la mosquée sacrée, la Mecque, et j'ai immédiatement reconnu en lui un perse, parlant afghan. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il en était en Afghanistan, il me répondit, Tajdik Astoum, je suis Tajdik. Alors je lui dis, je vois, vous êtes donc Tadjikistan. Il me répondit laconiquement, non, je suis Tajdik d'Afghanistan. Son refus de se reconnaître en tant qu'Afghan m'a frappé. Il s'est avéré que cet homme était un chir du fiqh Hanafi à la mosquée de la Mecque, avec un incroyable savoir, et que c'était un très bon musulman. Mashallah. Il me dit qu'il avait confiance en aucune des parties engagées dans les combats et qu'il devrait s'asseoir à une table pour créer un gouvernement sur une base multiethnique. Il continua en me disant qu'il ne voyait personne parmi les belligérants ayant une telle volonté et qu'il voulait seulement s'entretuer. Cependant, il conclut en disant que l'Afghanistan était désormais totalement débarrassé du crime. Chose qu'il ne pouvait pas nier malgré ses différences de vue avec les talibans. Étant quelqu'un qui a eu des expériences personnelles intenses avec les Afghans et des interactions régulières avec eux, j'ai trouvé ces rapports récurrents des médias sur la brutalité sous le règne taliban au mieux risible et au pire empreint de malicieux mensonges. Quiconque est familier avec la langue afghane des Dari et des Pashtuns notera que les traductions sous-titrées des dires des civils sont plus que douteuses. De même, les photographies récentes fournies par le Rouhia, groupe féministe d'ex-communistes qui rejette ouvertement le hijab, de fausse commune à Hazara, et diffusée récemment sur CNN lors d'un reportage spécial sur la brutalité des talibans, montrent des cadavres ayant les traits caractéristiques des Indo-Européens, présents chez les Tajdiks et les Pashtuns, alors que Haraza sont un groupe ethnique descendant de Mongols et de mercenaires chinois qui ont les traits orientaux. Nous constatons que malgré la brutalité alléguée des talibans et la suppression des médias, ils permettent à des journalistes malicieux d'errer dans le pays et de filmer tout en ressortant indemne. L'opinion actuelle que le monde se fait des talibans est directement liée à la menace qu'ils constituent en tant que force islamique expansionniste en Asie centrale. À la différence de la révolution iranienne de 1979, l'idéologie des talibans se répand comme une traînée de poudre dans l'ensemble de l'Asie centrale, au grand dam des Russes et des communistes qui règnent sur les républiques turques de cette région. Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Turkménistan, Turquie, Ouzbékistan, Tatarstan. Cette popularité est à l'origine de nombreux groupes révolutionnaires qui représentent une menace sérieuse pour les gouvernants de toutes ces républiques turques. Elle s'est même propagée au Xinjiang, nord-ouest de la Chine. Maintenant que le monde capitaliste a gagné sa guerre contre le communisme, une nouvelle menace se présente à leur démocratie, la charia. Pour la première fois en 100 ans, cette menace touche le monde occidental et leurs alliés en Asie tels que la Russie, l'Inde et la Chine. La réapparition de cette menace ne peut être portée au crédit de quiconque, si ce n'est des talibans. Aussi bien les rapports tendus des talibans avec leurs voisins du Nord, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, que leur politique de constante hostilité à leurs voisins de l'Ouest, l'Iran, font de ces événements un cycle qui pourrait mener vers la fin du monde selon les récits du prophète alayhi salatu salam. L'Afghanistan, émergeant comme terre de djihad au XXe siècle et maintenant au XXIe siècle, n'est pas une coïncidence. Cela rend l'Iran extrêmement nerveux. Ces personnes qui, lors des prières du vendredi, ont exprimé de l'envie et de l'admiration pour les talibans, ont insulté le dernier imam, l'ayatollah Khomeini, et leur position est inacceptable, écrit l'agence officielle d'information IRNA, citant des propos de Khatami lors d'une conférence de presse limitée aux journalistes iraniens. Ils ont effectivement commencé à attaquer l'héritage de Khomeini et la malédiction qu'il jette sur les compagnons et les femmes du prophète. Pour l'Iran, le seul choix pour faire face à cette menace était de s'allier avec les plus grands ennemis de leurs ennemis, les États-Unis, l'Europe, la Russie et l'Inde. Ainsi, ils ont scellé leur adhésion au monde des mécréants et leurs inévitables partenariats avec le faux messie, le Dajjal. Puis naturellement, ces scénarios ont commencé à menacer les marionnettes du régime arabe, faisant trembler les despotes. Évidemment, l'image d'Afghans sauvages s'approchant de leurs frontières, exigeant la bay'a, un messie et l'adhésion à la charia, ne pourra que mettre fin au voyage à Las Vegas et aux fêtes sur les yachts. Peut-être que quelques membres de la famille saoudienne pourraient perdre leurs actions Euro Disney. Leur solution a donc consisté à utiliser l'arme la plus efficace avec laquelle ils combattent tout mouvement réformateur dans le monde musulman, leur savant. L'Arabie saoudite possède ses propres cas locaux qui ont placé avec succès une chape de plomb sur les musulmans du monde en les convainquant que la révolution, c'est la fitna. Bien sûr, ils ne considèrent pas que ce fut une fitna de se révolter contre l'Empire ottoman. Ici, je dois préciser que l'auteur de ce texte ne porte pas les Saoudiens dans son cœur. Il affirme que les savants saoudiens ont sciemment remis en cause la validité du hadith sur les bannières noires pour servir les desseins du royaume. N'étant pas un expert en hadith, je n'ai pas de raison de remettre en cause les propos de ces savants, ni de mettre en doute leur bonne foi. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec ce que la petite parenthèse qui vient d'ouvrir. Moi, je pense aussi que les Saoudiens, les savants du palais d'Arabie Saoudite ont fait semblant de remettre en question les hadiths concernant les bannières noires, parce que on les voit bien, elles sont là, les bannières noires, et ça se passe exactement comme le prophète alayhi salatu salam l'a prédit. La vérité est évidente, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc j'ai vérifié un de ces hadiths et son isnad, chaîne de transmission. Le hadith est le suivant. Trois combattants pour votre trésor de la Kaaba, chacun d'eux étant fils d'un khalifa, mais il ne sera remis à aucun d'entre eux. Puis de l'Est émergeront les bannières noires. Puis ils vous combattront comme ils n'ont combattu personne auparavant. Puis il y a certains mots dont je ne me souviens plus. Puis il dit, si vous les voyez, prêtez. Voilà. n'y a plus la fin du texte. Alors attendez. Ouais, non, c'était la fin du texte en fait. Je crois qu'il n'y a pas la suite. Bref, voilà, c'était un texte très intéressant sur l'Iran, les talibans, leur influence actuellement durant le 20e et le 21e siècle. La peur de l'Iran concernant les talibans, leur trahison et le fait qu'aujourd'hui ils soient alliés de l'Occident, la trahison des pays arabes, de l'Arabie saoudite, enfin tout ça. Il y avait beaucoup d'informations dans ce texte que je trouve très intéressant. Et désolé si parfois j'ai eu des petits problèmes de lecture, il n'est pas évident à lire et je l'ai lu d'un trait et sans répétition. Voilà. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal nous éprouve pour mieux nous guider. Assalamu alaykum.